Evariste Ndikomanyanga. Merci de rester branché sur nos antennes. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. La conférence des évêques catholiques du Burundi, Sekaba Sigle, déplore la flambée des prix dans le pays alors que beaucoup de ménages n'ont pas de pouvoir d'achat pour y faire face. Dans un communiqué sorti après les activités de la conférence du mois de décembre, le président de la Sekaba appelle le gouvernement à prendre des mesures adéquates. L'ONG Parsem déplore que les instances du gouvernement chargées de lutter contre la corruption ne mettent pas beaucoup d'efforts dans l'exercice de leur mission. Le directeur national de cette ONG le dit en cette journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Bienvenue à ce journal et la mise en eau est assurée par Rico Iman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. On ouvre ce journal par la page politique. L'article 2 du décret portant convocation des électeurs pour les élections de 2023 n'autorisant pas des coalitions d'indépendants ne décourage pas selon l'acteur politique Agathon Rwasa. Cet homme politique estime par ailleurs que cette décision découle de la constitution votée en 2018. Il appelle au gouvernement à déverrouiller l'espace politique pour que les Burundais puissent élire selon leur choix. Suivez le député Agathon Rwasa. D'abord, revenons à la genèse de ce décret. 2015, après que le pouvoir du Saint-EDFDD ait saucissonné certains partis politiques, en reculant sur le FNL, l'UPRONAN, ainsi que le Front Debout pour ne citer que ceux-là, il est désagréablement surpris par le score réalisé par une coalition des indépendants à Miseroya Barundi. Malgré les tripatouillages qu'ils ont fait, on voit quand même que c'est une force qui est là et qui a la sympathie des Burundais. Ça décontenance le pouvoir en place au point qu'il en envisagea un changement de la constitution. La constitution alors fut taillée sur mesure et dans la constitution promulguée en 2018, il est notamment question qu'on s'inscrit en faux contre toute coalition d'indépendants et on met des conditions qui n'ont aucun sens pour effectivement empêcher les gens d'agir comme des indépendants. Parce qu'on soupçonnait qu'il y avait des cadres du CNDD-FDD qui pouvaient alors se présenter comme des indépendants pendant les élections de 2020. Ici, je devrais rappeler que cette constitution de 2018 est pleine de contradictions. Parce que cette constitution-là, dans son article 19, si je ne me trompe, reconnaît que les textes et instruments internationaux dûment ratifiés par la République du Burundi, en matière des droits de l'homme surtout, font partie intégrante de la loi burundaise. Parmi tant d'autres instruments internationaux, on peut citer la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, qui, en son article 25, stipule que nul ne peut être discriminé du fait de ses convictions politiques, son appartenance religieuse, son éducation, sa santé physique, et j'en passe. Donc, en quelque sorte, lorsque vous mettez des conditions inacceptables pour empêcher des gens de jouir de leurs droits, c'est une exclusion que vous faites. En d'autres termes, cet article 2 du décret, qui reprend en fait un article de la Constitution, lequel article est repris dans le code électoral, ne vient que confirmer que le CNDD-FDD, dans sa façon de concevoir les choses, ne veut pas que la démocratie s'épanouisse, en quelque sorte. Mais la constitution a été promulguée après le référendum, c'est-à-dire que la population burundaise a confirmé. Non, la population burundaise n'a pas confirmé. Le non avait gagné, mais le système a proclamé sa volonté. Les propos du député Agathon Rwasa ont été recueillis par mon confrère Omer Ndouayo. La conférence des évêques catholiques du Burundi, c'est indique être préoccupé par la flambée des prix dans le pays alors que beaucoup de ménages n'ont pas de pouvoir d'achat pour y faire face. Dans un communiqué sorti après les activités de la conférence du mois de décembre, le président de la SECAB appelle le gouvernement à prendre des mesures adéquates pour faire face à la pauvreté qui se déclare dans le pays. En ce qui est de la sécurité, Monseigneur Bonaventure Nahimana trouvait que la cohabitation est pacifique quand bien même des cas de meurtre sont signalés. Suivez plutôt Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque de Gitega et président de la SECAB. Les évêques notent qu'il règne un climat de cohabitation pacifique dans le pays, même si de nombreux cas de violence au sein des familles et entre voisins sont signalées dans divers endroits du pays et cette situation tend malheureusement à devenir de plus en plus normale, à ne plus attirer suffisamment toute l'attention voulue. Les évêques sont préoccupés par la pauvreté toujours plus prononcée au sein de familles. Le pouvoir d'achat ne leur permet plus de faire face à la flambée incessante des prix des denrées alimentaires sur le marché. Cette flambée des prix touche également presque tous les secteurs de la vie sociale et économique, tels que les transports, les matériaux de construction, l'habillement décent, etc. Les évêques lancent un appel pour que toutes les mesures possibles soient prises afin d'alléger le poids de cette pauvreté qui pèse sur les Burundais. La même conférence souhaite que tous les citoyens participent dans les prochaines échéances électorales sans aucune discrimination. Le président de la CECAB appelle les Burundais à privilégier chaque fois l'intérêt général au cours de ce processus électoral. Suivez-le encore une fois. Au cours de cette session, les évêques ont mené une analyse sociopolitique dans le contexte préélectoral et mené une réflexion sur les bons comportements citoyens à adopter pendant cette période. En reconnaissant la nécessité des choix de nos dirigeants, suivant les échéances prévues, les évêques en appellent à tout un chacun pour s'acquitter de ce devoir en toute responsabilité. Pour cela, ils invitent les Burundais à mettre en priorité l'intérêt général, à travailler ensemble sans exclusion pour le progrès socio-économique du pays. De plus, tout le monde gagne à ce que l'exercice électoral se déroule dans le respect de la dignité des personnes en tenant compte des libertés individuelles et des formations politiques. La parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Parsem déplore que les instances du gouvernement chargées de lutter contre la corruption ne mettaient pas beaucoup d'efforts dans l'exercice de leur mission. Au moment où, ce lundi, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption, le directeur national de la parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, Faustin Dikumana, propose qu'il y ait une stratégie nationale contre la corruption pour éviter que le pays ne tombe dans le chaos. Suivez-le. Au moment où le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption, ça me fait un constat mais que la corruption se généralise. Et on dirait que le gouvernement a démissionné face au combat contre la corruption. Alors que c'est un préalable pour que toute politique de développement soit mise en application. La vision, la mobilisation des financements extérieurs, tout cela en dépend. On assiste à des cas de corruption, des infractions impunies, des cas de détournement, ce qui s'est passé au ministère des Finances, à Robert, à la fonction publique, à l'âge mandat, à la banque centrale, sans oublier les entreprises publiques qui sont au bord du gouffre. On assiste à une humilité d'institutions de lutte contre la corruption sans cohérence au niveau de les rapports fonctionnels, le cadre légal qui est lacunaire. Pas d'initiative pour réviser quant aux actions de prévention. Elles ont été mises au rencard, notamment comme la déclaration des biens, la gestion des incompatibilités. La justice, elle, a été paralysée, elle est ligotée par le pouvoir exécutif et n'ose pas s'autosaisir un dossier, ni un quelconque dossier de corruption. La Haute Cour de justice, jusqu'à maintenant, n'a pas encore mis sur pied aucune loi organique la mettant en place. N'a été promulguée. Donc, je crois que quelque part, il faut que le gouvernement se ressaisisse. Il faut mettre sur pied une stratégie nationale de bonne gouvernance, organiser les états généraux autour de la question de gouvernance et de corruption pour donner des pistes à ce fléau. Parce que, temps préalable, si notre pays vraiment, petit à petit, va se retrouver dans une situation ingérable et incontrôlable. Au moment où l'on célèbre ce lundi la journée internationale de lutte contre la corruption, l'OLICOM indique que le Burundi affiche une mauvaise note en matière de lutte contre la corruption. Annonce faite par son porte-parole qui estime que cette mauvaise note est due au détournement de fonds qui se manifeste dans les entreprises publiques, le manque de transparence dans la gestion des revenus émanant de l'extraction minière. Il demande qu'il y ait respect de la constitution du Burundi et la loi anticorruption respectivement en ses articles 29 et 95. On l'écoute. Le Burundi affiche une mauvaise note au niveau international en matière de lutte contre la corruption. C'est le dernier rapport de Transparency International publié en janvier 2024. Le Burundi occupe la 172e place sur 180 pays examinés. Au niveau du continent africain, le Burundi a perdu 3 places selon le classement du Mont Ibrahim Foundation. Selon le rapport de cette fondation, sorti au mois de novembre 2024, le Burundi occupe la 43e place sur les 54 pays africains enquêtés avec un score de 41,4 sur 100 en 2023. Ces taux élevés en matière de perception de la corruption et de la gouvernance sont motivés par des détournements de fonds qui se manifestent dans les entreprises publiques, le manque de transparence dans la gestion des revenus émanant de l'extraction minière et de la gestion des devises, ainsi que l'opacité et le monopole qui caractérisent les marchés publics au Burundi. Par conséquent, la corruption et la mauvaise gouvernance dans les services publics d'une part et dans le secteur privé de l'autre part ont rendu le Burundi à devenir un pays plus pauvre du monde avec un PIB parlant d'au moins de $350 selon les institutions internationales crédibles. Son taux de pauvreté actuel tourne autour de 70%. L'OLICOM s'inquiète de l'absence d'une haute institution étatique spécialisée dans la lutte contre la corruption et qui condamnerait les activités de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, comme le recommande la Convention des Nations Unies contre la corruption. L'accès à l'information publique, la protection des donateurs, le recrutement avec d'innombrables irrégularités dans les services publics, la non-déclaration de patrimoine par les mandataires publics et les autorités, etc., demeurent des défis majeurs dans la lutte contre la corruption au Burundi. L'OLICOM voudrait émettre quelques recommandations à l'endroit de tous les acteurs de la lutte contre la corruption. Accélérer la mise en place de la loi portant accès à l'information publique, organiser les états généraux sur l'administration burundaise, de la mise en application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, accélérer la mise en application de la loi donnant mission de juger à la Cour des comptes conformément à la Constitution du Burundi, respecter la Constitution du Burundi et la loi anticorruption respectivement à ses articles 95 et 29, mettre en place un registre national public de ceux qui gagnent les marchés publics et ceux qui reçoivent les devises. Garantir que la législation anti-blanchiment atteint un niveau minimal satisfaisant de mise en application. Les membres de l'ordre des professionnels comptables au Burundi pourront désormais prester partout dans le monde suite à leur adhésion au niveau international à la Fédération internationale des comptables IFAC en sigle. Frédéric Gahungu, président de l'OPC, l'a annoncé ce lundi dans une conférence de presse annonçant le 9e congrès qui sera organisé du 11 au 13 décembre de l'année en cours. Il demande toutefois au gouvernement burundi la mise à jour de ces normes internationales et mettre en place le Conseil national de comptabilité pour le contrôle et suivi rigoureux. Suivez Frédéric Gahungu, président de l'Ordre des professionnels comptables Burundi. L'entrée à l'IFAC donne plusieurs ouvertures, mais a aussi beaucoup d'exigences. La première exigence, c'est le respect des normes internationales de production de l'information financière. Quelles sont les normes ? D'emblée, pour entrer à l'IFAC, c'est que les techniques de production d'informations financières doivent être standards sur tout le monde. Il n'y a pas la comptabilisation d'un véhicule, d'un immeuble, au Burundi, en RDC, en Europe, aux États-Unis, au Canada, doit être la même. C'est-à-dire qu'il faut une comparabilité. de l'information financière. Alors si les techniques et si les normes utilisées sont les mêmes, c'est tout à fait logique que l'information financière doit être peut-être comparable. La valeur ajoutée d'emblée, c'est que premièrement, nos experts, nos membres sont internationalement reconnus. Avant notre adhésion, aucun membre, aucun cabinet, membre de notre ordre, ne pouvait auditer les projets de la Banque mondiale, de la BAD, de l'Union européenne et tous les bailleurs internationaux. Au niveau de la formation, désormais, les formations sont accessibles à notre ordre par les autres membres de l'IFAC. Bon, les défis majeurs restent sur les pratiques irrégulières de la profession, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qu'on appelle des comptables irréguliers. Il y a la mise en œuvre de toutes ces normes. Par exemple, le Conseil national de la comptabilité, la production de ces normes, la mise à jour, ce n'est pas du rôle de l'OPC, ça devrait être du rôle du ministère des Finances, du Conseil national de la comptabilité, avec un appui technique de notre institution. Parce que c'est régi par des textes. Sinon, avec un plan comptable national révisé de 2013, on est en dehors de la normalisation. Et le gouvernement, on lui demande deux choses. Un, c'est la mise en place d'un Conseil national de la comptabilité, qui est un organe de normalisation et de régulation de la profession. Deux, c'est de voter le plus vite possible les textes de loi qui régissent notre profession. Et trois, avoir accès au financement pour les réformes en la matière de comptabilité. Page société à présent, dans certains ménages de la province de Boubanza, les hommes abandonnent leur famille et partent sans expliquer leur point de destination, comme le disent les femmes laissées sur elles-mêmes. D'autres quittent leur famille suite au conflit conjugal et vont vivre avec d'autres femmes. Au niveau de l'administration, on reconnaît que ce comportement se manifeste chez les hommes, mais aussi chez les femmes, selon le conseil permanent de la commune Manda, n'est-ce pas, Spescaritas Kavanyel. Une femme est rencontrée sur la colline Busongo, en commune Gihanga, sur la Mante, d'avoir été abandonnée par son mari qui lui a fait 8 enfants il y a 3 ans. Actuellement, cette femme explique qu'elle a des difficultés pour pouvoir entretenir ses enfants. Certains ont même abandonné l'école suite au manque de moyens. Elle dit également ne pas connaître les motifs de cet abandon de famille, mais elle pense que son mari serait parti avec une autre femme dans le pays voisin, la République démocratique du Congo. Une autre victime d'abandon de famille est une femme de la colline Gawazi 1 en commune Manda. Après avoir été maltraitée par son mari, qu'il accusait de mettre au monde des filles seulement, il a fini par quitter pour vivre avec une autre femme. Gérard Ebuchumi, conseiller permanent en commune Manda, reconnaît qu'il y a des cas d'abandon de famille. Gérard Ebuchumi, conseiller permanent en commune Manda, reconnaît qu'il y a des cas d'abandon de famille. Tantôt c'est l'homme qui part, tantôt c'est la femme qui s'en va, selon cette autorité communale, qui ajoute que l'administration traite des questions pareilles en collaboration avec le Centre de développement familial et communautaire quand il y a des cas de plainte. Spécialitas Kawanyana, Boubanza, Radio Isanganiro. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à la collaboration technique d'Eric Ouimana. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite des programmes sur Isanganiro.